Alors expliquez-moi ce qui se passe. Je viens du futur, dans une machine à voyager dans le temps que vous avez inventée. Vous êtes fou, mon petit. Ça marche à l'électricité, mais il faut une réaction nucléaire. Une pression en avant, et la machine se déplace vers le futur. Une pression en arrière, vers le passé. Bon, très bien. L'anachronique culturelle. Vers l'infini et au-delà. Mathilde Serrel. Atterrissage réussi. Le plus grand choc esthétique de Riyad Satouf. Je crois que le grand choc esthétique de mon enfance et de ma adolescence, c'est le corps d'Arnold Schwarzenegger. Mais alors je dis ça sans moquerie. J'avoue que c'est la plus belle chose que j'ai jamais vue. Enfin, quand je l'ai vu, enfin, je me rappelle, c'était dans mon village à Termalet, donc où tout le monde était un peu malingre, les gens étaient un peu malades, les hommes étaient cachés dans des grandes djellabas, les femmes dans des grands voiles, etc. Puis les enfants n'étaient pas bien lavés. Moi, j'avais des vêtements pourris. Là, tout était... Et soudain, dans cette télé, il y avait cet homme nu, ultra musclé, puis pas spécialement viril, un peu féminin. Je sais pas, il faisait des espèces de poses, un peu comme ça. C'était une sorte de... Et j'étais vraiment persuadé qu'un jour, j'allais grandir et que j'allais devenir lui. En fait, c'était vraiment... je me suis dit, ah ben c'est ça, ben voilà, voilà quelqu'un qui est... C'est moi plus tard, c'est lui, ça va être ça. Et donc, j'ai regardé tous ses films. Encore aujourd'hui, en fait, quand je suis un peu stressé, si je regarde une de ses photos, ça me calme. Mais je vous assure que c'est vrai, en fait. Je suis abonné à son compte Instagram. Donc, je passe une grande partie de ma vie sur Instagram. Hein, j'avoue, j'ai un compte, etc. Alors, il poste des trucs. Il est avec son fils. Il va au restaurant, etc. Mais c'est toujours lui. Je sais pas, il est vieux. Et puis là, récemment, il a eu un quadruple ou quintuple pontage coronarien. Et donc, il a été opéré, alors il est sorti, et puis 2 semaines après être opéré, il était déjà en train de refaire de la muscu. Et en fait, c'est une image très positive. Je sais pas, voilà, il est plus vieux, il passe avant, il se dégrade, mais c'est comme un modèle, je sais pas. J'aime beaucoup Arnold Schwarzenegger, j'aime bien ses prises de position. Alors, il était républicain quand il a été gouverneur de Californie, mais j'ai suivi tout ce qu'il a fait politiquement. Il avait créé des centres pour empêcher les enfants de traîner après l'école. C'était des centres sportifs où il faisait des... Il a fait plein de trucs très... Enfin, je l'aime beaucoup. Ouais, c'est mon grand choc esthétique, c'est Arnold Schwarzenegger. Pour ma part, j'ai l'intention de faire un voyage dans le futur. Transportation réussie. Vous êtes de retour au 21e siècle. Et qu'est-ce qui reste d'Arnold dans votre œuvre? Évidemment, on pourrait penser à Pascal Brutal. Non, je crois que c'est plus profond que ça. C'est qu'en fait, ce que j'aime beaucoup chez Arnold Schwarzenegger, c'est qu'en fait, c'était un enfant dont le père était nazi, quand même, et qui était battu par son père, etc., et qui a fui chez lui pour fuir la violence de chez lui, et qui est devenu la plus grande star mondiale de tout. Il y a eu un moment où c'était le plus grand acteur, le mec le plus riche, le plus célèbre dans le monde. Et en fait, cette espèce de résistance, j'aime essayer de m'en inspirer. Par exemple, pendant des années, j'ai eu des dizaines et des dizaines de refus d'éditeurs. Et j'envoyais mes projets tout le temps au mec et tout. Il me disait non, ça va pas, etc. Puis, j'étais persuadé en plus que mon nom était ridicule et que c'était à cause de mon nom qu'il voulait pas me prendre. Vous savez, parce que un récit de science-fiction d'un mec qui s'appelle Satouf, c'était pas. Je n'osais pas changer de nom, je voulais quand même garder mon nom, etc. Donc, J.R.R. Satouf. Voilà, J.R. Satouf. Ça a fonctionné. Et je me disais tout le temps, mais non, c'est vrai qu'il ne faut pas abandonner, il faut continuer, un jour ça va passer, etc. Et je pensais souvent à Schwarzenegger qui répétait tout le temps n'abandonnez jamais. Il avait fait des conseils que j'avais lu ses bouquins. Enfin voilà, on sent que c'est pas quelqu'un de très intellectuel, et je m'identifiais à lui parce que j'étais pas hyper bon à l'école, mais par le physique et par le travail et le fait de tenir bon, j'étais certain que j'y arriverais. Et la virilité aussi de Schwarzenegger, la virilité ambiguë, un peu comme celle de Pascal Brutal, qui est un hyper viril, bisexuel, fort et fragile en même temps, la virilité de l'école des hommes, toujours à travers vos récits, ce qu'on demande à un homme de faire pour être un homme, cette façon de répondre à cette injonction. C'était ça aussi qui se dessinait dans ce que vous projetiez sur Schwarzenegger? Alors non, par Schwarzenegger, pas vraiment. Mais l'école des garçons, en fait, c'est en effet quelque chose dont j'ai eu conscience très très tôt. Notamment parce que je me suis rendu compte très vite que j'en étais souvent exclu par les garçons eux-mêmes. Parce que j'avais ou pas la voix comme il fallait parce que j'avais une voix un petit peu efféminée ou j'étais pas capable de courir suffisamment longtemps avec les autres, etc. Et donc je me suis bien rendu compte qu'il y avait des comportements à avoir même vis-à-vis des filles, vis-à-vis des ou des pensées qu'il fallait avoir si on voulait être considéré comme un homme par les autres hommes. Voilà. Et donc très tôt j'ai été conscient de ça et j'ai observé ça et je m'en suis moqué parce que je ne pouvais pas en faire partie en fait aussi. C'était très agréable de ridiculiser tous ces aspects-là. Donc Pascal Brutal, c'était aussi un personnage qui a été construit vis-à-vis de cette frustration de physique, en fait. Et devenir un Arnold Schwarzenegger, c'est toujours un projet pour vous? Non, pas vraiment. Je tourne quand même autour de l'idée de faire de la muscu. Ah. J'avoue que j'ai tapé dans Google, il y a 2-3 semaines, j'ai tapé prise de muscle 40 ans, possible. Et donc là, je suis tombé sur des sites avec des mecs qui sont là, bonjour, j'ai 53 ans, je vais vous montrer comment j'ai pris 10 kilos de muscle. Alors on suit, il y a des vidéos, et le mec qui fait son truc, je me dis, bon, j'ai jusqu'à 53 ans pour faire un peu de muscu. Mais bon, je tourne autour de l'idée, mais c'est pas si facile. Hein. Faut faire 8 repas par jour, faut se réveiller la nuit, manger 3 œufs et puis se recoucher. Il y a des trucs, si on veut vraiment le faire, et c'est inhumain, quoi. The most important thing is that you have a vision, that you have a goal. Because without that vision and without that goal, again, you're drifting around and you're never going to end up anywhere. People don't become successful just by accident. This is why I always recommend to people, sit down, take your time, and start thinking about why do you want to work out? What is your goal? Hasta la vista, baby. And I'll be back.